où elle est. J'ai négligé la seule à mes yeux qui comptait. Ouais, j'peux pas nier. J'veux être le dernier des hommes à t'avoir touché. Ouais, je sais que tu m'as dans la peau. Je ressens tes formes sur ma paume. Je vois mon reflet dans tes cicatrices. T'es madame et moi je suis là depuis. Flamme dans les yeux, elle est débordée. Je voulais manger mais c'est le bordel. Plus on s'aime, plus on se salit. Plus on s'aime, plus on se salit. Y'a rien à faire, j'suis piqué, piqué, piqué. Ta bonnie était piqué, piqué, piqué. Y'a rien à faire, j'suis piqué, piqué, piqué. Again.